Les SCAC. Les quoi? Les sons captés à chaud. SCAC. C'est chaud. Mardi 15 octobre, 18h. Auditorium de l'ESC Clermont pour les afterwork du Square Lab. Sujet, les nouveaux enjeux de la communication d'influence, avec une conférence de Benoît Réjean, directeur général prospective partner de Dentsu Consulting. Table ronde en présence de Jessica Pommier, blogueuse Mes petits bouts du monde, et de Sonia Rennes, journaliste du Club de la presse Auvergne. Si tout le monde est inscrit sur Facebook, mais que vous, vous n'y êtes pas, à un moment, il y a un niveau de pression sociale qui va faire que vous allez être influencé à vouloir le faire. La réciprocité. Si quelqu'un vous invite à dîner un soir chez lui, naturellement, vous allez avoir envie de lui rendre l'appareil. C'est un facteur d'influence qui est beaucoup utilisé, notamment sur les marchés. Quand on vous propose de déguster un produit, vous avez quelqu'un qui vous a offert quelque chose, psychologiquement, vous allez être influencé pour « Allez, elle est sympa, je vais aller lui acheter son produit. » Liking, c'est ni plus ni moins que l'apparence physique. Et oui, c'est pas très politiquement responsable de le dire, ça a posé beaucoup de problèmes à la marque Abercrombie qui recrutait donc les vendeurs sur des critères éminemment physiques, mais on n'y peut rien, effectivement, ça marche. Une personne avec une apparence physique attractive aura des résultats commerciaux beaucoup plus importants qu'une personne qui a un physique pas facile, comme on disait dans certains films. Et vous en avez comme ça la rareté, quelque chose qui est rare, vous allez avoir envie de le posséder. L'autorité aussi, une marque qui fait référence, va également aller nous influencer. Donc en fait, si on regarde d'un point de vue communication, les trois facteurs qui peuvent définir ce qu'est une personne influente, et là c'est valable d'un influenceur comme de n'importe qui, ça peut s'appliquer à votre frère, vos amis, votre grand-mère. Première chose, il faut que vous fassiez autorité sur un sujet, il faut que vous soyez crédible. Je peux vous faire confiance parce que je vous connais depuis très longtemps, mais vous pouvez être totalement pas crédible du tout sur les nouvelles technologies, par exemple. Tu t'y connais pas là-dedans. J'ai envie d'acheter un nouvel ordinateur. Tiens, je vais aller voir un copain qui, lui, s'y connaît parce qu'il fait autorité sur le sujet. Première chose. Deuxième chose, la fréquence d'intervention sur le sujet. Non seulement vous êtes expert sur un sujet, mais vous allez en parler souvent. Troisième chose, vous avez une audience importante qui vous suit. Je prends mon cas perso, on en parlait ce midi avec Fabrice. Je suis un passionné de pâtisserie, j'adore faire des gâteaux tout le temps, faire plaisir aux potes, au bureau, etc. Alors oui, vous pouvez me demander comment on fait un Paris-Brest, je vais vous expliquer ça en détail. Je parle tout le temps de sucre, de pâtisserie, de machin, mais sur Instagram, j'ai 342 followers. Je ne suis pas un influenceur en pâtisserie. J'ai pas l'audience. J'ai les deux premières choses, mais voilà, l'audience ne suit pas après derrière. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut bien sûr aller le transposer sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont influentes sur les réseaux sociaux. On peut se poser même d'ailleurs la question de à partir de combien de followers véritablement tu es jugé comme étant influenceur. Il y a même eu un jugement fait en Angleterre sur une marque de médicaments. Il a fallu juger à savoir si une personne qui parlait d'un médicament était ou pas une personne qui faisait autorité. Donc on va dire que officiellement c'est 30 000, au-delà de 30 000 followers en Angleterre, mais dans la plupart des pays, on va se dire qu'au-delà de 10 000 followers, vous êtes une personne influente, mais qu'on va caractériser ces influenceurs sur les réseaux sociaux avec différentes thématiques, différentes logiques de classement, du nano, le petit, qui lui va avoir moins de 10 000, jusqu'à la superstar, le méga influenceur qui va compter plus d'un million de followers. Et ce qui est intéressant à voir sur ce graphique, en fait, c'est que l'engagement est en général inversement proportionnel à la visibilité. Pourquoi ? Bah parce que vous avez peut-être envie de suivre Brad Pitt au quotidien pour voir ce qui s'y passe, mais si vous envoyez un message à Brad Pitt, il y a quand même peu de chances qu'il vous réponde en personne. Alors que quelqu'un qui est passionné d'un sujet, passionné de mode, passionné de voyage, mais qui a une communauté de quelques milliers d'individus, il a encore les moyens physiques de pouvoir vous répondre et vous vous sentez beaucoup plus proche de lui. Et il y a eu des modes au niveau des marques qui au début ont voulu tout aller sur des Norman, des Cypriens, des superstars des réseaux sociaux, puis qui se sont rendus compte finalement qu'en termes de visibilité c'était bien, mais qu'il se passait quelque chose en termes de conversion qui n'était pas forcément excellent. On est allé à l'extrême inverse vers du nano-influenceur. Aujourd'hui, ça dépend un peu. En fonction de votre stratégie, on va aller choisir l'influenceur qui correspond à ce que vous voulez faire. Et puis, il y a aussi des classements qui sont réalisés régulièrement par différents médias sur, vous savez, ça fait partie des marronniers, les personnes les plus influentes. Donc ça, vous allez le trouver dans la presse locale parce que ça fait toujours vendre du papier. Vous savez, les 10 qui font la ville. Des classements comme celui du Parisien, le palmarès des 50 personnes qui comptent. Vous savez, tous ces classements, on vous parle de Jean-Jacques Goldman depuis des années, comme les personnes préférées des Français, des Omar Sy ou bien sûr des Emmanuel Macron. Mais Vanity Fair, par exemple, a choisi un angle autour des Français qui vont être le plus influents à l'étranger. C'est une autre manière d'aller voir les choses. Donc vous avez toutes ces superstars des réseaux sociaux qui sont connues, et puis vous allez, quel que soit votre sujet, aussi pointu soit-il, toujours trouver une personne qui aura l'autorité, la fréquence et l'audience pour aller parler du sujet. Bien sûr que la mode, le lifestyle, la beauté sont des choses qui vont faire un peu plus rêver que la banque ou les nouvelles technologies. Et pour autant, vous avez un Alban Jarry qui est vraiment une personne de référence sur le domaine banque-assurance en France, comme vous allez avoir un Frédéric Cavazza qui est véritablement incontournable quand il s'agit d'aller vous raconter ce qui s'est passé au CES. Donc, en fait, chacun va avoir son influence. Alors, on a parlé du social, mais comme je vous disais, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Si vous regardez finalement toutes les formes d'influence qui peuvent exister, ça a été étudié depuis très très très longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil concernant ces stratégies d'influence en communication. Voyez qu'on a certaines théories qui remontent aux années 40. Notamment le petit schéma que vous avez à gauche ici, qu'on appelle the two-step flow of communication. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que si vous pensez qu'une publicité est efficace auprès de votre public pour aller générer des ventes directement, vous vous trompez. Le process psychologique dans la tête d'un individu ne marche pas comme ça. Une publicité, vous allez a priori plutôt la rejeter dans l'absolu, parce que, là encore la marmotte, ce qui va faire que ça va bien marcher, c'est que entre les masses et le média, vous allez avoir des relais d'opinion. C'est ce que nous dit cette étude des années 40. On était bien loin des réseaux sociaux. Ça vous dit que si par exemple votre meilleur ami vous dit « J'ai essayé la crème miracle de L'Oréal, elle fonctionne super bien », c'est une personne à qui vous faites confiance, elle est crédible sur le sujet, donc ce qu'elle me dit doit potentiellement être vrai. Du coup, quand je vois passer la publicité pour la crème L'Oréal en question, je vais y prêter une attention un petit peu différente. Et plus je vais avoir la répétition classique qu'on connaît dans les médias, plus ça va être efficace. Mais il faut à un moment que je puisse me dire « ce message est potentiellement crédible ». Et on y va comme ça avec tout un tas de références qui illustrent le propos. Vous connaissez bien sûr le fameux Ice Bucket Challenge qui avait déchaîné les médias il y a quelques années. Le message existait depuis très très longtemps sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il a fallu que des relais d'influence s'emparent du sujet autour du jeu pour que finalement les gens s'intéressent à la cause. Mais la cause en elle-même et le message finalement n'avaient pas évolué. Donc comment je fais pour aller chercher tous ces relais d'opinion aujourd'hui, ces fameuses personnes qui vont avoir confiance, dans lesquelles les gens vont avoir confiance, pour que ma publicité redevienne efficace. Les gens ne sont pas publiphobes dans l'absolu, mais il faut ce fameux terreau fertile, il me faut de l'eau pour que la plante puisse pousser. Et dans ce combat vers la recherche de la confiance et de l'influence, on a aujourd'hui deux mondes qui s'affrontent. Et c'est un peu la thématique de la table ronde qu'on aura à l'issue de cette petite présentation. L'ancien monde des personnes qui faisaient ce qu'on appelait des relations publiques. Alors dans RP, il y a les gens qui parlaient de relations presse, et les gens qui parlaient de relations publiques. Mais public dans le sens vos publics, pas opinion publique. L'idée, c'est comment est-ce que je vais pouvoir intéresser un journaliste par rapport à une problématique d'entreprise pour qu'il fasse un papier sur mon sujet. Donc il faut que votre sujet soit intéressant, il faut qu'il soit vrai. Et là, du coup, potentiellement, le journaliste qui, lui, a sa carte de presse, bah, va aller fouiner un peu, va même potentiellement aller chercher un peu plus loin, faire un peu d'investigation pour relayer votre sujet. Ça peut être intéressant. Ces gens-là critiquent ce nouveau monde de ce qu'on va appeler les EPR, qui ne sont pas donc des relations publiques sur Internet, mais bien le fait de travailler avec des influenceurs, en disant, attendez, on ne fait pas le même métier, c'est facile ce que vous faites, il suffit d'avoir du budget, une liste de personnes d'influenceurs sur les réseaux sociaux, vous leur envoyez un peu de pognon, vous leur dites de parler de ma marque, et hop, ça y est, c'est fait. Les personnes qui font des EPR vous disent, mais alors toi, la vieille poussiéreuse, donc relation presse en mode Elikaku, tu vas te calmer deux secondes, parce que ça ne marche pas du tout comme ça. Bosser avec des influenceurs sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'argent qui motive ces gens-là. Ce qui les motive, c'est le fait que bah, le produit les intéresse, qu'ils ont envie d'en parler, qu'ils aiment bien les valeurs de la marque, etc. Et ça nécessite un relationnel quand même assez important avec ces gens. Donc ces deux mondes s'affrontent un petit peu aujourd'hui dans toute la galaxie des solutions dans le marketing d'influence. Et vous voyez que les solutions, elles sont larges. Le bon vieux bouche à oreille reste le levier d'influence le plus puissant. Parce que vos amis, bah oui, vous leur faites confiance. S'ils vous disent qu'ils ont essayé telle marque et que c'est génial, bah vous allez les croire. Quand Nicolas Hulot a quitté le gouvernement en disant qu'il était dégoûté par les logiques de lobbying, et bah, là aussi c'est une forme d'influence dans l'univers politique, où quelque part il y a des intérêts commerciaux qui essayent d'influencer nos politiques dans certaines directions. Je ne vous parlerai pas de certains cas, type Monsanto, etc. La politique, bah, c'est de l'influence auprès de l'opinion publique dans sa manière la plus organisée qui soit. Les journalistes, on en a parlé, que ce soit à travers des logiques d'investigation, mais même à travers des logiques de buzz. Je ne vais pas vous parler d'Élise Lucet pour savoir si elle dit la vérité ou pas, mais on pourrait se poser la question. Bien sûr, les Instagrammeurs, les professeurs, les chercheurs sont des gens qu'on ne va pas remettre en question. Leur boulot, c'est d'aller trouver la vérité, de faire avancer les choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des problèmes quand des sociétés comme Coca-Cola, par exemple, financent des études avec des scientifiques qui vous disent « Ah non, le sucre, c'est pas dangereux. Vous pouvez en consommer, on a des études qui prouvent que... » Et on en a fait tellement qu'au bout d'un moment, on se dit « Mais là aussi, les scientifiques sont plus crédibles, on peut les acheter, c'est difficile. » Du coup, on va essayer de plus en plus de faire des think tanks, essayer de réfléchir ensemble entre différents patrons sur comment on pourra faire avancer la société, faire des manifestes. On va jusqu'au placement de produits dans les films qui sont des logiques d'influence aussi. Je ne sais pas si vous regardez sur M6, par exemple, Scène de ménage. Mais dans ce programme, ils sont très très fiers d'aller mettre des produits, des marques, en réalité augmentée. C'est-à-dire que quand le programme a été tourné, il n'y avait rien. Et paf, on vous met une bouteille de lait sur la table, personne ne voit la différence, c'est comme si elle avait toujours été là, mais c'est une manière d'aller faire de la présence à l'esprit, de faire de la notoriété. Jusqu'au cas quand même ultime, alors ça c'est génial, et là on revient vers Noël, donc ça va revenir, vous payez pour emmener vos enfants voir une publicité d'une heure et demie au cinéma, le film Lego, par exemple. Vous avez Mattel aussi qui fonctionne comme ça, c'est absolument génial, c'est du contenu de marque, suffisamment divertissant, mais qui mécaniquement va vous influencer. Si le gamin ne sort pas du film en vous disant « Papa, je veux le Lego Batman », c'est quand même que voilà, il s'est passé un truc. Bon. Alors, puisque ça déchaîne les passions, eh bien, on a un revers de la médaille qui fait que ben, les marques vont investir, pas forcément de manière très très propre, dans ce sujet. Rien que le terme « influenceur », se faire influencer. Poser la question à un ami, est-ce que t'aimes te faire influencer ? Je dis, bah non. Je me souviens quand j'avais raconté à ma voisine que je travaillais dans la communication et dans la publicité, c'était genre, ah mais oh, d'accord, t'es un manipulateur de cerveau en fait, donc tu forces les gens à acheter des trucs dont ils n'ont pas envie, c'est ça ton métier. Donc le terme même d'influenceur, d'ailleurs, on va de plus en plus en France essayer de s'en débarrasser. Dans d'autres pays anglo-saxons notamment, on va plutôt vous parler de talents, de co-créateurs. Les personnes sur les réseaux sociaux avec lesquelles on va travailler vont nous aider à fabriquer du contenu, plutôt que de dire « je suis influenceur et c'est mon métier ». À tel point que vous avez probablement également vu ce retour d'expérience où un jeune Britannique a réussi à devenir numéro 1 sur TripAdvisor. Le restaurant numéro 1 à Londres non seulement n'existait pas, mais en plus les photos avec tous les likes, etc., étaient toutes plus abominables les unes que les autres, avec donc le pied dans l'assiette, on fabrique nos sauces avec de la crème à raser, des pastilles WC, etc. Ils ont carrément invité ce jeune sur les plateaux de 20h en disant « Comment vous avez fait ? Comment on fait pour devenir numéro 1 sur TripAdvisor avec quelque chose qui n'existe pas ?» Ils disaient mais vous croyez quoi ? C'est super facile, finalement, aujourd'hui, de pouvoir manipuler l'opinion publique à l'ère du digital à travers ces logiques-là. Et donc, ce qui était finalement un Eldorado de confiance, de crédibilité, commence aussi à devenir suspicieux. Nos gamins dans les cours de récréation, s'ils n'ont pas un nombre de followers suffisamment important, vu les principes de Cialdini qu'on a vus, ils vont se sentir pas au niveau de leurs camarades. Donc on peut aller acheter des fans sur des plateformes en Asie, c'est assez facile, du jour au lendemain. Vous voyez, puis c'est pas forcément très très cher, hein, 69€ pour d'un jour, du jour au lendemain, acheter 5000 fans. Sur votre page, des robots, des fermacliques qui vont aller gérer tout ce business autour de l'influence. Donc il peut faire un peu peur. On a même été contacté chez Dentsu régulièrement par des entreprises qui nous disent « Est-ce que vous pourriez nous aider à planquer un peu toutes nos casseroles en termes de réputation ? On voudrait masquer certains éléments de la réalité. » Il y a un sujet d'éthique, clairement, autour de l'influence et autour de ces agences de RP aujourd'hui. Certaines ayant même carrément pignon sur rue en disant « Oui, on est capable de faire ce qu'on va appeler des dark RP pour aller influencer les personnes et leur opinion et leur réputation. » Alors, les données chiffrées autour de ça, pourquoi est-ce que des entreprises, du coup, s'intéresseraient à de la communication d'influence ? Elles sont très claires sur le sujet. Avant tout, l'objectif, c'est d'aller améliorer la recommandation de la marque. Et puisqu'on peut le faire sur des moyens numériques aujourd'hui, on va plutôt essayer d'atteindre un public aussi très ciblé. C'est les raisons principales qui motivent les entreprises à aller sur le marketing d'influence aujourd'hui. Mais voyez que plus de 70% des entreprises vous disent qu'en 2019, elles auront dépensé davantage de budget dans cette forme de communication. Donc on a clairement un sujet à la mode, mais c'est normal. La quasi-totalité des internautes vont consulter des avis clients pour se rassurer sur leurs achats. Plus de la moitié des personnes qui vont sur Amazon n'y achètent jamais rien, vont simplement lire des commentaires clients. Qui n'est jamais allé regarder sur TripAdvisor si l'hôtel qui vous intéressait pour partir en vacances était intéressant ou pas? On est quasiment 90% à le faire. Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont posté ces commentaires? Non. Pourquoi vous devriez leur faire confiance? On va se dire, au bout d'un moment, c'est la masse qui va faire que. Et même ces sites eux-mêmes essayent de vous mettre des badges achats vérifiés sur Amazon. Est-ce que cette personne est vraiment partie? Comment est-ce qu'on peut rassurer les gens? Mais ça, les marques l'ont bien compris. Le pouvoir, il appartient au public aujourd'hui. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je suis désolé, mais c'est intéressant, puisqu'on parle de données chiffrées, de voir qu'on a aujourd'hui un tiers des Français qui suivent un influenceur sur les réseaux sociaux, que c'est particulièrement élevé sur des jeunes femmes de 15-24 ans, qui sont des grosses, grosses consommatrices de l'influence sur les réseaux sociaux, que 52% des personnes qui suivent un influenceur sont accros, puisqu'ils nous disent consulter ces contenus au moins une fois par jour. 90% nous disent qu'ils ont déjà découvert un produit via un influenceur sur les réseaux sociaux, donc on est tous concernés, et que c'est pas qu'une question de B2C, produit grand public. Vous avez sur le milliard d'utilisateurs d'Instagram, 80% qui suivent le compte d'une entreprise. Donc c'est intéressant aussi dans des logiques professionnelles, 75% des followers qui ont déjà acheté un produit suite à la recommandation d'un influenceur et, puisque ça devient viral, qui vont le recommander à leur tour à hauteur de 64%. Donc on y passe du temps, il y a des chiffres en revanche qui sont complètement fantaisistes sur le retour sur investissement des solutions sociales. On a beaucoup d'agences soi-disant spécialisées sur le marketing d'influence qui se sont créées sur les deux dernières années parce qu'elles ont bien senti le filon, notamment pour vous dire On va être capable d'identifier les influenceurs sur les réseaux sociaux qui correspondent à vos problématiques et vérifier que ces profils n'ont pas de faux followers, que ces personnes n'ont pas pris 100 000 followers en une journée, qu'un influenceur qui parle en français n'a pas 80% de sa communauté située en Chine, des choses comme ça, parce qu'on pourrait être tenté d'aller chercher des influenceurs avec un nombre de followers le plus élevé possible. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on va quand même aller chercher des logiques un petit peu plus qualitatives. Alors, qui sont ces fameux influenceurs sur les réseaux sociaux? Vous voyez qu'un bon tiers d'entre eux sont effectivement jeunes, donc la moitié a moins de 30 ans. Donc oui, clairement, c'est des jeunes. Maintenant, en termes de plateforme, alors que les blogs étaient très très à la mode dans les années 90, clairement, la plateforme numéro 1 aujourd'hui sur ces logiques, c'est Instagram. Vous voyez à quel point elle a progressé rapidement par rapport à des Facebook ou des Twitter. Donc la plateforme de l'influence, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que il faut avoir des milliards de followers pour être un influenceur par rapport à ce que je vous disais sur les 10 000? Ben, vous voyez finalement qu'on a quand même un tiers qui ont moins de 5 000 followers, des gens qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup. Ben, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de médiums, de nanos avec lesquels on va pouvoir aller travailler. Mais toutes ces personnes, à partir du moment où elles ont crédibilité, audience et récurrence, vont être repérées par des marques qui ont aujourd'hui des robots, des outils qui crawlent ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour les identifier. Et voyez à quel point ils sont fréquemment contactés par des marques pour essayer de signer des partenariats, des contrats avec eux pour aller parler de leurs produits. C'est même probablement un peu trop, et c'est pas l'appât du gain qui les motive. J'ai encore une stagiaire qui, il y a quelques semaines, quand je lui ai dit tu vas faire quoi en quittant l'entreprise, m'a dit je retourne en Chine pour faire influenceur comme métier. Je lui ai dit merde, j'ai raté un truc, mais c'est pas un métier, influenceur. Mais ah, si, en Chine, si. Il y a vraiment des superstars qui gagnent leur vie comme ça, qui travaillent avec ça fait rêver les jeunes. Mais voyez que la grande majorité, 51%, gagne pas énormément d'argent, c'est quelques centaines d'euros potentiellement qu'ils peuvent aller gagner, et il y a même une partie qui ne gagne absolument rien en étant contacté par des marques pour travailler pour elles, pour parler d'elles. Alors si on oublie un petit peu les réseaux sociaux et qu'on revient au basique de ce que c'est l'influence, comment est-ce qu'on fait pour intégrer de l'influence dans sa stratégie de communication? Je vais vous donner quelques petits trucs et astuces. Premièrement, la veille. C'est essentiel d'aller suivre ce qui se passe. Vous le savez, votre entreprise, votre marque n'est pas ce que vous dites qu'elle est, elle est ce que les gens disent qu'elle est. Donc c'est écouter ce que les gens disent de vous, écouter l'opinion publique, mais si vous pensez que c'est un outil qui va pouvoir vous aider là-dedans, en fait c'est pas vrai. Un outil, ça se paramètre, ça se calibre, il va falloir faire des choix. Si vous voulez écouter absolument tout, ça ne va pas marcher. Donc premièrement, définissez les mots-clés que vous voulez suivre. Définissez tous les sites qui vous intéressent, circonscrire un petit peu votre périmètre pour pouvoir au final identifier les bons influenceurs. Je vous montre un exemple de ce qu'on a pu faire pour l'AFLD, qui est l'un des clients d'Ensu Consulting, donc l'agence française de lutte contre le dopage. Régulièrement, on leur envoie donc un état de la veille sur des nuages de mots sur ce qu'on dit d'eux. Est-ce qu'il y a eu des pics de mentions les concernant sur différentes dates? Donc à travers tous ces outils de social listening, comme on dit, qu'on va aller calibrer pour eux. Donc ça, c'est le premier élément. Déjà, écoutez ce qu'on raconte de vous. Ensuite, et ça c'est un gros travail dans l'influence, il va falloir cartographier vos écosystèmes. Ça veut dire quoi? Faire une cartographie d'influenceurs. C'est quoi déjà l'écosystème? En fait, votre écosystème, il n'est pas directement lié à l'activité de votre business. Il va falloir aller chercher des gens qui potentiellement vont parler des sujets connexes à votre activité ou qui, dans votre discours, appellent à ce que vous racontez. Vous voyez, par exemple, quand on bossait pour des agriculteurs, on voyait qu'il y avait des sujets d'entrepreneuriat qui pouvaient être intéressants par rapport à la nouvelle agriculture, des sujets qui étaient liés à l'éducation, à la formation du public, des gens qui parlaient de service à la personne. Donc tous les sujets connexes d'un point de vue sémantique à votre sujet, plus vous allez pouvoir identifier des personnes qui certes parlent de votre business, mais aussi des thématiques qui sont connexes aux vôtres, plus ces personnes pourront être intéressantes. Qui est-ce qui compose ce système d'influence? Alors oui, bien sûr, il y a des personnes sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous allez vouloir identifier des élus locaux, des journalistes, des universitaires, des personnes qui travaillent dans des think tanks, des start-up potentiellement, toutes ces personnes qui parlent de sujets qui sont intéressants pour vous. Donc on va aller utiliser tous ces outils, c'est à peu près 2-3 mois de boulot. Il y a pas mal de boulot à faire à la main aussi pour identifier ces personnes. Je vous montre le résultat de ce que ça peut donner pour un client pareil de Dentsu Consulting et la GFIP qui s'occupe de promouvoir l'inclusion de personnes en situation de handicap dans l'emploi. Ils sont venus nous voir pour qu'on les aide à travailler leur influence. Et après ce travail de cartographie, on a identifié pour eux 329 influenceurs. Donc, vous voyez, des personnes qui, pour certains, sont des artistes, pour certains, travaillent dans des startups, des politiques, des gens de médias, qui vont parler de sujets, vous voyez, pas forcément de handicap, mais des gens qui vont vous parler de diversité, qui vont vous parler d'économie solidaire, qui vont vous parler d'accessibilité, d'éducation. Tout ça, c'est des sujets qui sont importants quand on parle d'emploi de personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on en fait, ces 300 personnes, une fois qu'on les a identifiées? Il va falloir mettre en place une vraie stratégie d'influence. Ça veut dire, une fois qu'on va avoir identifié les personnes, récupérer leurs coordonnées, attention, tout ça doit être RGPD compatible, bien entendu, ça veut dire qu'on ne parle que d'informations qui sont publiques, d'accord ? Quel est leur emploi, quelles sont les coordonnées qu'ils auraient pu partager, leur mail, sur quoi ils s'expriment, est-ce qu'ils s'expriment fréquemment sur tel sujet, et on va faire appel à ces personnes pour aller animer, par exemple, nos réseaux sociaux. Déjà, on va aller s'abonner à leur fil pour se faire remarquer, comme quoi on a vu que leur contenu était intéressant. On va aller commenter leurs publications, là encore pour se faire remarquer, les citer régulièrement dans nos propres publications. On est pile dans le principe de Cialdini de réciprocité dont je vous parlais. À tel point que vous savez, il y a les hashtags like for like, follow for follow, mais ça c'est un truc un peu normal. On est là plutôt dans le travail intellectuel de ce qu'ils font. Je trouve intéressant ce que tu dis, donc du coup j'en parle, je te cite, je partage tes contenus. Vous allez faire appel à eux pour co-construire des contenus avec eux. Leur demander s'ils ne pourraient pas, par exemple, intervenir avec vous à l'occasion d'un livre blanc. Les convier lors d'un événement que vous pourriez organiser, travailler à la réalisation d'une étude, recueillir leurs témoignages. Bref, vous allez les considérer comme des VIP. Leur envoyer en avant-première des résultats de vos travaux, de certains bouquins, les convier à des événements que vous pouvez organiser, les aider dans leur networking. On est vraiment dans l'humain, et du coup, ces personnes vont s'intéresser aussi à ce que vous faites, vont aussi en parler de manière un peu désintéressée, et on va réussir à pouvoir créer des contenus intéressants. Résultat de ce qu'on a fait, par exemple, pour la GFIP sur l'inclusion. On a créé un cycle de conférences partout en France pour aller à la rencontre des élus, des journalistes, des people au niveau du local. On a recueilli le témoignage de certaines personnalités, Inès de la Fressange, Étienne Klein, Cédric Villani, qu'on est allé interviewer sur le sujet du handicap dans l'emploi, pour pouvoir, à l'issue de ces conférences, distribuer ce petit bouquin, qui est un contenu très très intéressant quand on est un chef d'entreprise, pour comprendre comment on peut aller plus loin dans l'inclusion. Voilà un exemple de stratégie d'influence qui, vous voyez, bien sûr peut intégrer des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous voyez que ça va beaucoup beaucoup plus loin dans tout ce qu'on peut faire. Donc, les 7 leviers capitaux, en gros, vous les avez là. Confiance, réputation, regardez ce que font vos concurrents, faites des choix, ouvrir vos chakras, être cohérent dans vos prises de parole. Donc ça, bien sûr, sont des choses qui sont importantes. Préserver la réputation. Si vous voulez travailler avec des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a quand même quelques précautions à prendre. Regardez avec qui ils ont travaillé auparavant, quel est leur taux d'engagement, quelles sont les valeurs qu'ils ont envie de promouvoir. Et il y a quelques best cases que je pourrais partager avec vous de ce qu'on peut faire avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'un influenceur, c'est pas qu'une personne physique, ça peut aussi être une personne morale, notamment un média. la force de sa marque a un gros pouvoir d'influence. Par exemple, ce qu'on avait fait ici pour l'un de nos clients qui sont les magasins La Paire, avec lesquels on avait travaillé sur certains médias pour aller faire du trafic sur leurs interfaces digitales. On va pouvoir, avec des influenceurs, créer des jeux concours. Vous savez, hein, si tu partages ce post avec certains de tes amis et que tu likes le truc, bah, potentiellement, tu vas pouvoir gagner un voyage, un produit d'électroménager, des produits de beauté, etc. Au-delà des concours, vous allez avoir les codes promo qui fonctionnent très bien parce que c'est du donnant-donnant. Je te donne un code de réduction, donc je te récompense d'être un follower dans ma communauté parce que grâce à moi, tu vas pouvoir avoir des produits à prix préférentiel. Donc c'est vraiment donnant-donnant, c'est intéressant. On peut aussi inviter des influenceurs sur les réseaux sociaux à certains événements parce que vous vous attendez à ce qu'ils prennent des photos de l'événement et qu'ils relayent l'événement auprès de votre communauté. Donc on vous montre quelques exemples de ce qu'on a pu faire chez Densu. Par exemple, sur un fromage qui avait un petit problème de notoriété, l'Appen Seller, que les gens ne connaissent pas trop, on avait invité certains influenceurs culinaires pour partager certaines recettes sur ce qu'on pouvait faire avec ce type de fromage. On avait aussi invité des influenceurs dans l'univers de l'alcool pour un événement organisé par Johnny Walker autour du testing et de comment dans le whisky est-ce qu'on peut mélanger différents blends, etc. On peut aussi faire un shooting photo ou vidéo avec des influenceurs, en particulier quand on a un site de e-commerce. Bah oui, plutôt que de prendre des mannequins dans des agences, alors qui certes vont être très très bien d'un point de vue physique, esthétique, mais la plupart des influenceurs sur les réseaux sociaux sont quand même plutôt bien de leur personne, pour les raisons de Cialdini dont j'ai parlé tout à l'heure, et vont pouvoir aussi parler à leur communauté du shooting photo qu'ils ont fait, et vont du coup mécaniquement amener du trafic sur le site en question. Ça fait beaucoup plus peur, mais ça marche bien. Pendant une journée, vous allez donner les clés de vos réseaux sociaux à un influenceur. C'est eux les maîtres de la boutique. On appelle ça du social takeover. Alors, les entreprises ont très peur de se dire « mais s'ils racontent une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Comment on va gérer le truc ?» Mais c'est tout le principe, justement. C'est parce qu'ils ont leur fraîcheur, ils ont leur spontanéité, ils ont leur propre discours qui va faire que le truc fonctionne bien. Vous pouvez demander à des influenceurs de co-créer des produits avec vous. Donc c'est ce qu'avait fait la marque de maquillage MAC avec Enjoy Phoenix. Puisqu'elle est experte en maquillage, eh bien on va lui demander d'inventer le rouge à lèvres parfait parce qu'elle sait comment il faut faire, parce qu'elle est en contact avec tellement de personnes qui sont les clients qu'on voudrait avoir, bah, qu'elle va être capable de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On peut même fédérer des communautés d'influenceurs. Là, c'était pour une marque de drones qui voulait démontrer qu'on pouvait faire des photos absolument formidables avec leurs produits. Ils sont allés chercher des influenceurs dans l'univers de la photographie. Ils ont créé un collectif et ils sont partis en voyage fabriquer les plus belles photos qu'on pouvait réaliser à travers les drones Parrot, puisque c'est de la marque dont il s'agit. Et vous pouvez même aller jusqu'à faire de l'égérie de votre marque, travailler avec un influenceur pour en faire l'égérie de votre marque, comme nous le dit Stella qui travaille pour The Couples. C'est tellement mieux d'avoir une idée de la personnalité de la personne qui peut représenter la marque plutôt que d'avoir des mannequins simplement porte-manteau. On a envie d'avoir un peu de proximité avec ces personnes. Donc vous voyez tout un tas d'exemples, à la fois dans des stratégies de relations, d'identification, d'influence VIP avec des influenceurs ou de ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Mais mécaniquement, du coup, les entreprises nous demandent à nous Densu, c'est rentable de le faire ou pas? Parce que oui, d'accord, c'est à la mode. Mais je vous prends un cas très concret. Une marque de cosmétiques pour laquelle on travaille, ils ont dépensé 150 000 euros pour privatiser un lieu un peu prestigieux, inviter tout un tas d'influenceuses mode beauté à leur événement, gérer les petits fours, la scénographie, etc. Une soirée, 150 000 euros. Le patron de la boîte va voir les personnes du département digital en disant avec 150 000 euros, j'aurais pu me payer une campagne en radio ou en presse. Je sais exactement ce que ça me rapporte. Qu'est-ce que ça me rapporte là? On va dire, si, regarde le nombre de stories que j'ai pu avoir, le nombre de posts. Oui, mais sur mes ventes, comment ça marche? Et là, les gens sont un peu secs. Comment est-ce qu'on mesure le truc? Et donc c'est un vrai chantier sur lequel on a commencé à travailler. Premièrement, Première chose qu'on peut faire, sur l'ensemble des marques médias en France, qu'on soit TF1, qu'on soit La Montagne, qu'on soit Énergie, qu'on soit tout un tas de médias de contenu, on est capable, dans des études médias marché, de mesurer le pourcentage d'influenceurs par catégorie que vous allez avoir dans vos lecteurs. Les catégories, vous les avez là. D'accord ? Donc, je suis capable de vous dire si, parmi les lecteurs du coin, par rapport aux lecteurs de l'Express, j'ai plus de lecteurs qui sont influenceurs dans l'univers des voyages. Donc, je vous rappelle, influenceurs, ça veut dire que ce sont des gens qui sont crédibles pour vous dire que telle destination de voyage est super bien ou pas, qui vont en parler régulièrement à des gens et qui en parlent à beaucoup de gens. Bon, ben on a posé ces questions à tous les Français. C'est quoi tes hobbies? Est-ce que tu en parles souvent? Est-ce que tu es crédible? Est-ce que tu en parles à beaucoup de gens, etc. Et on a regardé quels étaient tous les médias qu'ils consommaient. Bah, du coup, si vous devez mettre 100 euros dans un média ou 100 euros dans un autre avec exactement le même nombre de lecteurs, ce sera plus intéressant pour vous d'aller chercher le média qui a plus de personnes influenceurs sur la catégorie, parce que si vous arrivez à les convaincre avec votre publicité, ils devraient en parler à un nombre de personnes plus important. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, essayez de comprendre ce qui fait la confiance et comment on va pouvoir travailler dessus. Il y a 8 piliers de la confiance qu'on a complètement décortiqué pour les entreprises et pour les marques. Donc essayez de comprendre sur quels items il va falloir aller travailler pour que l'entreprise regagne de la confiance vis-à-vis de son public par rapport à ses concurrents. Je suis moins bien positionné par rapport à mon concurrent sur la transparence, par exemple. Je suis moins bien positionné que mon concurrent sur la provenance de mes produits ou sur le côté historique de ma marque. Donc tout ça, c'est des perceptions qu'on mesure sur toutes les cibles de communication en France chez Dentsu. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on nous demande de plus en plus, les deux mots qu'il faut connaître dans le marketing, c'est AVE et EMV. Advertising Value Equivalence ou Earned Media Value. Donc en gros, les 150 000 euros que j'ai mis dans l'événement là, pour obtenir le même résultat, ça m'aurait coûté combien en médias pour avoir la même efficacité? Donc les gens veulent pouvoir comparer les choux et les carottes. Ça veut dire pour ça qu'il faut qu'on soit capable de mesurer le surcroît de crédibilité, de conviction de bouche à oreille d'un média par rapport à une publicité classique. Si le patron de BMW est invité aux 20h, jusqu'à quel point c'est plus convaincant que d'avoir une pub pour BMW avant le 20h? Bon bah, à l'horizon 2020, on va avoir des résultats quantitatifs sur tous ces sujets qui vont nous permettre de répondre à nos clients sur, bah, voilà en fait en termes d'équivalent précis ce que ça va plus t'apporter. Donc voilà comment on travaille sur ces sujets, on benchmark des médias traditionnels avec tous les leviers de l'influence. C'est un gros chantier de recherche, mais sur lequel on va aboutir à l'horizon 2020. Vous avez le scoop sur cette étude, puisqu'on n'en a encore jamais parlé à personne. Alors, pour terminer, avant de dialoguer avec notre panel, juste petite prospective, ça va aller jusqu'où tout ça? Alors, première chose, on pourrait se dire, bon ben, ça pique, hein, attention. Ça va pas marcher longtemps, parce que si on vous dit, non, je te jure, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, c'est pas forcément crédible. Donc, est-ce que la crédibilité de l'influenceur qui finalement est acheté par une marque pour aller parler de son produit peut encore tenir la route face à de la publicité? Est-ce que finalement, on ne serait pas vers bah, trop c'est trop, maintenant ils sont tous vendus, ils sont tous achetés, donc voilà, bah, c'est de la pub. Bon, ça peut être une solution de se dire, puisqu'on perd la confiance qu'on va avoir dans les influenceurs, eh bien on ne va plus les suivre, parce que c'était pour, parce qu'on les croyait qu'on les suivait. L'autre logique, c'est un peu l'exact inverse, c'est la manipulation de masse. À tel point que certaines marques ont commencé à fabriquer de toutes pièces leurs influenceurs. Ah oui, c'est vrai, vouloir travailler avec des vrais gens, ça implique qu'il faut les payer, que ces personnes ne vont pas forcément être d'accord avec ce que vous voulez qu'elles disent, elles peuvent être malades, etc. Donc, le mannequin noir que vous avez là n'existe pas, est complètement fabriqué par ordinateur, et donc va pouvoir vivre comme si c'était une vraie personne. On ne peut pas faire la différence entre une vraie personne et une fausse, sauf que du coup cet influenceur est corvéable à merci. je vais pouvoir lui faire faire absolument ce que je veux. Donc dans l'univers de la mode, notamment, ça a plutôt bien marché. C'est Balmain qui a commencé ça, et tout un tas de marques de mode ont suivi en fabriquant des top modèles qui n'existent pas. Voir Gaïa qui a été fabriquée par une école de la mode qui se dit, bah, finalement, vous savez, c'est un peu comme la pub Renault avec la fille virtuelle au volant d'une voiture réelle, et Renault a essayé de jouer sur cette logique-là. Bon, on peut même aller encore un peu plus loin. Si les gens se disent, oui, je sais qu'elle n'existe pas, on ne veut pas les tromper, hein. Les gens savent que cette personne n'existe pas, mais c'est une prouesse technologique, c'est intéressant ce qu'ils racontent. Ben, on pourrait aller jusqu'à cette série que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Westworld, qui est un parc d'attractions qui est rempli de robots dans un futur un peu hypothétique. Dans ce parc d'attractions, les gens peuvent tout faire, ils peuvent tuer les robots, les violer, les étrangler. Donc c'est des gens un peu riches qui vont dans ce parc d'attractions pour se livrer à tous leurs plus bas instincts possibles. On sait que c'est des robots, mais c'est pas grave. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, quelque part ils y vont comme ça, et donc on pourrait se dire, bah finalement c'est pas grave, les gens vont nous dire, j'en ai tellement marre de vos publicités de 20 ou 30 secondes à la télévision, ces trucs qui interrompaient mes contenus, que même si c'est de la publicité, et que je le sais, ce sera de toute façon toujours beaucoup plus agréable, je sais que c'est de la pub, c'est pas grave, oui peut-être que je me fais manipuler, sauf que nous ça nous pose une question éthique. Si on considère que l'intelligence artificielle est capable de prédire exactement le comportement d'un individu et qu'on est capable d'aller lui proposer des contenus qui vont amener exactement le résultat en termes de transformation, est-ce que c'est vraiment le futur de la communication vers lequel on veut arriver? Est-ce qu'on veut aller vers cette manipulation de masse? Au moins, avec la publicité, on laissait le libre arbitre aux personnes. Elles pouvaient choisir. Là, c'est quand même tellement fin, tellement précis avec la technologie qu'à la limite, la personne n'a plus son libre arbitre, n'a plus le choix. Elle va être tellement influencée pour aller acheter le produit qu'on pourrait aller mettre des personnes sur la paille pour aller acheter des produits dont ils n'ont pas besoin, pour aller financer une croissance, toujours plus de consommation. Est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on a envie d'aller? C'est une question éthique que je pose moi aujourd'hui à l'ensemble des agences de communication face au développement de ces technologies de communication. Est-ce qu'on veut aller jusqu'à la manipulation ou pas? Et est-ce que les clients, les marques, les entreprises sont prêtes à assumer ça? On n'a pas encore la réponse au sujet. L'interprofession travaille là-dessus, notamment sur des chartes, pour voir quels sont les garde-fous qu'on pourrait mettre, pour bien informer les personnes sur ces sujets. Mais ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin sur le sujet, en débattant justement sur l'ancien monde et le nouveau monde avec notre panel de ce soir. Je vais vous demander de les accueillir sur scène. On a la chance d'avoir avec nous ce soir Jessica Pommier, qui est blogueuse sur l'univers du voyage. Donc un blog qui s'appelle « Les petits bouts du monde ». Et Sonia Rennes, qui est présidente du club de la presse Auvergne, si vous pouvez les applaudir. Si vous voulez bien prendre place, vous avez chacun un petit micro. On va échanger sur tout ce qu'on vient de voir. Alors déjà, dans l'absolu, parce que vous n'aviez pas vu tous les contenus, est-ce que vous avez déjà une réaction à chaud par rapport à ce qu'on vient de dire? D'accord, pas d'accord, des sujets qui vous paraissent plus intéressants que d'autres par rapport à tout ça? Non, je trouve que c'est très intéressant. C'est un sujet qui m'est complètement inconnu et donc j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, pour vous, c'est un sujet que je connais bien et je trouve que c'était une très bonne présentation. Et un bon résumé, donc je ne sais pas trop ce que je vais venir ajouter ici ce soir finalement. Alors bah justement, moi j'ai quelques petites questions à vous poser. Quand on a échangé, j'ai presque été surpris du naturel avec lequel vous m'avez dit moi influenceur, c'est mon métier, hein, concrètement, aujourd'hui j'en vis. Comment est-ce qu'on fait pour vivre d'une activité influenceur alors qu'on a vu finalement que la plupart des influenceurs gagnez pas vraiment beaucoup d'argent, ça peut vraiment être un métier? Alors oui, ça peut être un métier. Alors effectivement, il n'y a pas d'école pour devenir influenceur, parce qu'il n'y a pas d'école pour devenir passionné d'une thématique. C'est exactement ce que vous disiez au début, c'est à la base, les influenceurs sont des gens qui sont passionnés par quelque chose. Donc moi, dans mon cas, c'est le voyage. Et effectivement, on va se créer, soit c'est sur une plateforme en particulier, ça peut être un blog, ça peut être un compte Instagram, du Facebook. On va se créer un compte qui va être souvent public parce qu'on a besoin de partager cette passion auprès de gens qui ont la même passion que nous. C'est vrai que moi, dans mon entourage, il n'y avait pas de gens aussi passionnés par le voyage que moi, mais ça va de parler des pays ou parler de matériel, de sac à dos, de chaussures de rando, etc. Et du coup, de se mettre sur un profil public comme ça, on va se retrouver avec des gens qui ont la même passion que nous, avec qui on va pouvoir échanger. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a une communauté qui va se créer. Mais de là à pouvoir en dégager un salaire pour pouvoir en vivre, c'est quoi la recette magique ? Alors, il n'y a pas de recette magique, mais c'est exactement aussi dans les étapes que vous avez dit, c'est avoir cette communauté qui va être grandissante. Alors moi, ça s'est fait vraiment petit à petit. Ça s'est surtout fait pendant un voyage que j'ai fait pendant un an en solo autour du monde, en sac à dos, où je suis devenue crédible auprès de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'avant, je parlais beaucoup de voyages, mais sans les partager. D'un coup, j'ai partagé un an de voyage autour du monde en solo, et je suis devenue crédible auprès de cette communauté passionnée de voyage, et ils sont devenus de plus en plus nombreux à me suivre. Et ce qui fait que quand je suis rentrée en 2015, j'avais à peu près 10 000 personnes sur cette thématique qui étaient passionnées, qui me suivaient, et ça a continué de grandir. Et on en vit, en fait, quand la communauté devient assez importante, et que du coup, les marques vont se dire, effectivement, là, on a une cible qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être que 10 000 personnes aujourd'hui, peut-être que ça va grandir, mais ces 10 000 personnes, elles sont intéressées par le sujet. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas parler à ces 10 000 personnes d'un sujet qui va vraiment les intéresser, plutôt qu'aller toucher la masse en faisant la publicité classique ? Mais est-ce que c'est vous, du coup, qui êtes allé choisir des marques avec lesquelles vous aviez envie de travailler ? Est-ce que c'est les marques qui vous ont identifié, qui sont venues frapper à votre porte ? Comment ça se passe concrètement au début ? Alors oui, ça s'est fait comme ça. Quand je suis rentrée de voyage autour du monde, j'ai d'abord été contactée par des offices de tourisme qui m'ont dit « On a vu les vidéos que tu faisais un petit peu en voyage autour du monde, on aimerait que tu fasses la même chose, on serait prêt à te rémunérer pour que tu viennes chez nous, dans notre pays, pour que tu fasses exactement la même chose que tu faisais naturellement. » Comme vous disiez, il y en a qui le font dans leur chambre comme Enjoy Phoenix, moi c'était en voyage, avec mon téléphone portable, je faisais des vidéos. Et donc, on m'a proposé de commencer à être payé pour faire ça. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit, donc les offices de tourisme, et puis après, ça a été, moi j'ai une cible qui est à la fois les voyageurs, les gens passionnés de voyage, et aussi une cible locale qui sont les Auvergnats, parce que j'ai toujours revendiqué le fait que j'étais Auvergnate, une Auvergnate voyageuse, et donc je travaille souvent avec des marques au niveau local et dans l'univers du voyage. On est beaucoup contacté par les marques comme ça, c'est comment le téléphone, comment elles vous contactent les marques, est-ce que c'est pas même trop au bout d'un moment des marques qui vous dites non attendez je suis désolé ok mais là j'ai déjà trop de choses ou je bosse déjà avec votre concurrent. Alors oui, ça peut arriver. Alors après, moi, dans les chiffres qui sont marqués, moi, je fais partie encore des micro-influenceurs, parce que j'ai 60 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Donc, je ne suis pas contactée non plus 15 fois par semaine, mais au moins 5 fois par semaine, je dirais, c'est un peu le minimum. Et effectivement, c'est des choix qu'on fait aussi. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler sur le long terme avec des marques pour éviter justement de saouler ma communauté en leur parlant de 15 000 marques différentes. Et j'aime bien avoir une marque qui va être récurrente, sur laquelle je veux me sentir légitime parce que je connais bien la marque. Donc c'est notamment avec l'école de commerce, le SC Clermont, où j'étais moi-même étudiante, où j'ai moi-même fait mes études à l'étranger. Et donc avec eux, on fait vraiment une co-création de contenu, qui est la web-série « Va voir ailleurs si j'étudie ». Mais parce que je me sens légitime sur ce sujet-là, et parce que c'est sur du long terme aussi, et je n'irai pas travailler avec des écoles. Il y a beaucoup d'écoles, des écoles de commerce qui m'ont contacté, enfin beaucoup, mais il y en a au moins 5 qui m'ont contacté pour que je fasse le même projet avec eux. Mais je n'irai pas le faire parce que pour moi, je ne suis pas légitime à en parler pour une autre école, et parce que j'aime cette fidélité, ça n'aurait pas de sens pour moi de faire un projet avec l'école de commerce de Clermont, et demain d'aller avec l'EM Lyon pour faire la même chose. Donc c'est aussi une histoire de cohérence, et moi j'aime bien travailler sur le long terme. Alors, une marque, elle vous identifie comment ? C'est la marque qui vous appelle en direct ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est des agences, ces fameuses agences dont je parlais, qui potentiellement peuvent aussi vous contacter pour faire du placement de produits ou parler d'une marque ? C'est très organisé aujourd'hui ou ça reste quand même encore un petit peu artisanal ? Il y a les deux, en fait. C'est souvent, ça peut être en direct avec les marques. Généralement, moi, c'est ce que je fais le plus parce que ça peut aussi m'arriver, moi, d'aller vers une marque que je vais apprécier, que j'aimerais bien travailler avec elle, et puis j'en parle déjà naturellement depuis plusieurs années auprès de ma communauté, donc je me dis pourquoi pas travailler avec cette marque. Et depuis à peu près un an et demi, je fais partie aussi d'agences, notamment des agences qui mettent en relation des offices de tourisme avec des influenceurs dans le monde du voyage, qui m'ont mis un petit peu dans leur listing d'influenceurs qui ont été un peu checkés comme vous faites vous. C'est-à-dire que pour moi, c'est intéressant d'être dans ces agences-là parce que mon profil a été vérifié, parce qu'ils savent que je n'ai pas acheté de followers, parce que je n'ai pas des bots qui vont liker, il y a vraiment une vraie personne derrière, c'est moi qui réponds aux messages. Et en fait, ça, ça me donne une légitimité aussi, parce qu'ils me donnent des chiffres, ils utilisent des données comme Hype Auditor, j'imagine que vous avez peut-être déjà utilisé ou pas. Mais en fait, c'est des outils qui permettent de prouver aux marques que oui, je suis quelqu'un de réel et que j'ai pas acheté mes followers. Et du coup, c'est bien pour moi d'être référencé dans ces agences, mais pour autant, j'aime toujours le contact direct avec les marques et en discuter avec elles. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire rentrer un petit peu dans les coulisses du comment ça se passe ? Est-ce que une marque, quand elle vous contacte, elle vous dit « Tiens, voilà un texte, voilà ce que j'aimerais que tu racontes sur moi ?» Ou est-ce que vous dites « Non, attendez, moi je veux bien parler de vous, mais c'est moi qui choisis de dire ce que je veux ?» Comment est-ce que justement ces marques essayent de vous influencer, vous influenceurs, sur la nature du discours ? Ça se passe comment ? Alors moi, de mon côté, je suis dans l'univers du voyage. Je pense que c'est pas tout à fait pareil dans l'univers de la beauté ou du lifestyle. Mais de mon côté, j'ai l'impression que les marques, elles me choisissent parce qu'elles ont déjà vu ce que je faisais auparavant. Et du coup, c'est jamais arrivé qu'on me dise « voilà le texte qu'il faudrait que tu dises » ou « voilà ce qu'il faudrait que tu fasses ». Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on me dit on aimerait bien te faire tester le produit. Souvent, c'est la première étape. On me dit, on va t'envoyer un produit, tu vas le tester. Si t'aimes bien, t'en parles. Si t'aimes pas, on peut en discuter. C'est souvent ça un peu la différence. Et si j'aime pas un produit, plutôt que d'aller faire un avis négatif et de parler à toute ma communauté que j'ai pas aimé ce produit, je vais plutôt leur en parler. Je vais leur dire, écoutez, ce produit, ça m'a pas convenu. Donc, je préfère ne pas en parler à ma communauté. Merci pour le produit, mais en gros, j'en parlerai pas. Mais à l'inverse, du coup, vu que c'est votre métier, est-ce que ça peut encore vous arriver de vouloir parler d'une marque sans être rémunéré pour ça, juste parce que vous la kiffez, elle est trop bien, de se dire « Allez, je vais en parler, j'aime bien », de se dire « Bah non, c'est mon métier, à un moment je peux plus parler gratuitement de quelque chose que j'aime, sans à un moment dire « J'aimerais bien parler de vous, est-ce que vous pourriez faire un geste pour moi ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, bah alors du coup, moi je trouve que, c'est un peu dommage de parler que des marques qui nous rémunèrent, c'est là où on perd un peu sa crédibilité, sa légitimité, parce que, j'étais partie en vacances, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, à Majorque, c'était début du mois de septembre. Je suis partie en me disant, je ne vais faire aucun partenariat. J'ai envie de partir à Majorque pour faire un voyage mère-fille, voilà, c'était tout l'été avec ma maman. Je ne veux faire aucun partenariat. Mais pour autant, j'ai partagé toutes mes bonnes adresses, j'ai partagé l'hôtel où j'ai été. L'hôtel où j'ai été, notamment, j'ai pris plein de photos, c'est un hôtel hyper photogénique. Je sais qu'il y a 22 personnes qui m'ont demandé exactement l'adresse de l'hôtel, qu'il y en a 6 qui ont contacté l'hôtel, et il y en a déjà 3 qui y sont allés. Et ça, c'était début septembre. Je sais malgré tout que j'aurais pu demander à l'hôtel qu'il m'offre au moins une nuit gratos parce qu'elle aurait largement été rentabilisée, mais je ne l'ai pas fait parce que ça fait partie des choses qu'on fait naturellement et c'est aussi l'essence même du blogging et de la personne qui est passionnée par une thématique, c'est aussi de pouvoir continuer à parler de plein de choses comme ça. Cet après-midi, j'étais à Zoé Confetti à Cournon, où ils font des produits d'Halloween, de décoration, et moi je trouve ça super chouette. Je les ai mentionnés, ils m'ont dit « Ah, c'est vraiment cool que tu nous aies mentionnés, merci beaucoup, on t'offrira ton petit déguisement d'Halloween. » Donc c'est un déguisement d'Halloween qui a coûté 25 euros. Je trouve ça quand même cool que la marque ait décidé de faire ce contre-don, parce qu'effectivement, là pour le coup, c'est moi qui ai fait un don, dans cette notion de don-contre-don que vous parliez, parce que je les ai mentionnés plusieurs fois, parce que rien qu'en les mentionnant, y a plein de gens qui se sont dit « Tiens, pour Halloween, ça peut être sympa d'aller à Zoé Confetti à Cournon, qui est une entreprise locale pas très très loin d'ici. » Mais alors du coup, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous faites, c'est finalement une forme de publicité moderne ? Est-ce que vous diriez vous aussi que la publicité traditionnelle telle qu'on la connaissait devrait disparaître au profit de plus en plus de puisqu'on est tous à finalement suivre des personnes, plus de citations comme ça, spontanées ? Alors, c'est une forme de publicité, ça c'est clair que oui. Ça serait hypocrite de dire l'inverse. Après, je trouve qu'il faut le faire, parce que bon, moi je suis de ce côté-là, des personnes qui parlent en tant qu'influenceuse, mais je suis également aussi beaucoup de personnes dans ce domaine-là, et je dois reconnaître qu'à un niveau complètement personnel, moi je peux être aussi un peu saoulée quand tous les jours il va y avoir une influenceuse qui va me dire son nouveau code promo pour une marque, ou qui tous les jours va me dire « Ah bah ma nouvelle routine beauté c'est celle-ci, et la routine beauté elle change toutes les semaines parce qu'il y a une nouvelle marque différente qui arrive », moi j'avoue que je suis un peu moins confiante. Et du coup, la balancer des codes promo tout le temps, je trouve ça un peu dommage, et c'est peut-être comme ça que les influenceurs perdent leur crédibilité, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut être fidèle à une marque qu'ils aiment vraiment pour le coup, et comme ça, ils perdent pas en crédibilité. Mais c'est vrai que switcher en permanence et dire oui à toutes les marques, c'est peut-être là, je trouve, le risque pour un influenceur de tomber dans ce côté vraiment publicitaire, et au final, justement, cette influence, elle va arrêter de fonctionner, et de moins en moins de gens font confiance aux gens qui parlent de leur domaine. Alors, Sonia, forcément, ça me fait penser à l'activité traditionnelle publicitaire par rapport à un titre de presse, parce que les marques de presse aujourd'hui doivent inventer des logiques de financement un peu différentes. On a parlé de la crise de la presse, qui peut aussi être liée à tout ce qu'on a vu en termes de confiance. On a toujours dit qu'il ne fallait jamais mélanger le publicitaire et l'éditorial au sein d'un journal, parce que justement, c'était ça qui était garant de l'indépendance du titre vis-à-vis de son lecteur. Que le public sache que c'est pas possible pour un journaliste qui a une carte de presse d'aller faire de la publicité. C'est quoi du coup votre regard par rapport à cette évolution des mœurs vers l'influence dans des médias, des nouvelles formes de publicité où on mélange un peu le contenu et la pub? Vous en pensez quoi? En fait, moi, ma perception, c'est que les influenceurs, ils font pas le même métier que moi. On travaille pas pour on n'a pas le même objectif, même si parfois on utilise les mêmes outils. Moi, je travaille pour. Je travaille jamais pour mes sources. C'est-à-dire que même si je suis en contact avec des entreprises ou avec des marques, mon objectif, c'est de travailler pour mes lecteurs. Donc, je me sens tout le temps indépendante et je pense que c'est vraiment extrêmement important pour les journalistes et pour la presse et pour sa crédibilité et pour l'avenir de la crédibilité des médias. C'est cette espèce de non-porosité entre justement l'événementiel ou la publicité et la rédaction ou les journalistes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même une forme de consommation de publicité plus agréable, plus intégrée? En presse, on connaissait les publis, hein, noter, publier, communiquer. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter finalement le savoir-faire rédactionnel, le talent rédactionnel, les plumes? Parce que dans la presse, on sait écrire, on sait mettre en scène, on sait raconter des histoires. Pourquoi? Je vois par exemple chez 20 Minutes, ils nous disaient qu'ils avaient l'intention d'arriver à, je crois, 20% de leur chiffre d'affaires pour faire travailler des gens qui savent écrire au profit des marques. Vous pensez qu'en fait, il y a un risque de crédibilité, de confiance, qu'on mélange un peu les choses si on fait ce type de choses? Clairement, si demain je me mets à écrire pour des marques ou pour des entreprises dans un média, je vais perdre effectivement ma crédibilité de journaliste, je vais perdre mon indépendance de regard, mon sens critique. Et je pense que c'est effectivement une super mauvaise idée. Et puis les journalistes, les rédactions et les journalistes, on a un code de déontologie que la majorité d'entre nous tiennent à respecter. Si demain les journalistes se mettent à faire de la production pour les marques dans les journaux, ils vont perdre aussi leur carte de presse et du coup ils seront plus crédibles du tout. Il y a deux choses. Ils peuvent le faire d'un côté, je dirais, en marque blanche, sans qu'on sache que c'est eux, c'est-à-dire que le truc n'est pas forcément signé, mais c'est quand même eux qu'on fait le papier. Ou à l'inverse, si je reprends certaines personnes qui se baladaient avec des écharpes rouges autour du cou et qui faisaient des ménages dans des conférences pour des marques, est-ce qu'on peut dire que Monsieur P a perdu un peu de sa crédibilité de journaliste en allant traiter de sujets d'entreprise, où finalement, il parle de l'entreprise, il parle de la vie économique, il peut être légitime à faire ce genre de choses aussi? Clairement, si les salariés, pour parler d'une entreprise, évidemment qu'il perd sa crédibilité et qu'il fait perdre la crédibilité des médias pour lesquels il va continuer de travailler aussi. Et après, ça pose un problème aussi de rémunération, c'est-à-dire que est-ce qu'il va être payé pour ses articles en marque blanche comme un journaliste ou comme un communicant? C'est une vraie question. Et s'il est payé comme un communicant, il perd sa carte de presse, donc il est plus légitime comme journaliste. Est-ce que vous diriez que l'influence des journalistes a évolué au fil du temps? Parce que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'on est entre 15 et 20% des Français qui nous disent maintenant que leur source principale d'information, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que les journalistes ont moins d'influence aujourd'hui qu'ils pouvaient en avoir par le passé, d'après vous? Alors, moi, je ne pense pas. Je pense d'abord qu'il y a pas mal de journalistes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont suivis par un public qui leur fait confiance. Je pense que les médias aussi sont sur les réseaux sociaux. Et je... Non, moi, je crois... je suis très optimiste sur la crédibilité qu'ont les médias et qu'auront les médias dans l'avenir auprès du public. Pour autant, quand on voyait les chiffres de Edelman, on est à un niveau de confiance dans les médias qui n'a jamais été aussi bas. Comment est-ce qu'on fait quand on travaille dans des médias, quand on est journaliste, pour essayer de regagner cette confiance qui, on le voit quand même dans les chiffres, c'est effrité. Qu'est-ce qu'il faut faire à cette ère de fake news et tout ce qu'on a vu dans la petite vidéo là aujourd'hui pour essayer de en particulier autour de l'information payante, renouer ce contrat de confiance qu'on a peut-être un petit peu perdu? Et ben justement, je pense que le seul moyen de se différencier et de regagner la confiance, c'est de travailler mieux et du coup de travailler avec beaucoup de distance par rapport aux annonceurs, par rapport aux entreprises, par rapport aux élus. Ben, en fait, il faut avoir beaucoup de distance par rapport à toutes ces sources quand on est journaliste. Et c'est vraiment, à mon avis, le seul moyen de se différencier des influenceurs et de regagner en crédibilité. Pour autant, je pense que la perte de crédibilité des médias, elle n'est pas uniquement, elle n'est pas juste due à leur façon de travailler ou à des personnes pour une écharpe rouge. Je pense qu'elle est due aussi portée par un discours général. C'est-à-dire qu'on taper sur les journalistes, c'est assez facile. Ça a été beaucoup fait par les politiques. C'est un peu la tarte à la crème. Voilà. Et je pense qu'il y a une... Les gens sont mobilisés au moment de Charlie Hebdo, par exemple, pour défendre la presse. Et ensuite, il y a eu une espèce de creux, mais qui est soutenu aussi par un discours général, et je vous dis, par les politiques qui sont beaucoup défaussés sur les médias et sur les journalistes. Est-ce que vous avez déjà entendu, dans les différents titres de presse que vous pouvez côtoyer, au niveau de la rédaction, des gens qui se disaient, peut-être que finalement on pourrait faire appel à des gens comme Jessica? Est-ce que vous pourriez pas faire une tribune tourisme dans la montagne? Quelque part on se dit, c'est pas un journaliste, mais Jessica est capable de faire des contenus hyper intéressants, elle l'a prouvé. Comment est-ce que des médias traditionnels pourraient finalement travailler avec des influenceurs qui, eux, ont pas forcément ce problème de carte de presse? Est-ce que c'est un truc que vous en avez jamais entendu parler, ou est-ce que ça a déjà été abordé à se dire, tiens, dans la manière dont on pourrait inventer le titre demain, puisque ces personnes ont une crédibilité, font des contenus intéressants, on pourrait les inviter dans nos pages? Si, c'est évidemment une des tentations des groupes de presse. Je suis en train d'infléchir, mais je pense qu'il y a pas mal d'influenceurs qui travaillent déjà avec des radios ou avec des télés, certainement avec des journaux papier aussi. Moi, ça ne me pose pas de soucis tant que c'est identifié justement comme un travail d'influenceur, et que c'est pas qu'on mélange pas mon travail de journaliste avec le travail d'un influenceur. Comme j'attends des médias pour lesquels je travaille qu'on ne mélange pas un public rédactionnel avec mon travail, qu'on le différencie bien. Et alors, dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps, il faut prendre aussi les questions de la salle. Est-ce que vous avez vu une modification dans l'évolution des agences de RP, dans la relation qu'ils pourraient avoir avec les titres, dans l'envoi des communiqués de presse? Parce que, pour le coup, c'est quand même ça l'activité un peu classique, je dirais, du bureau de presse ou de la boîte d'influence qui craque un sujet. Il y a une entreprise qui a une actualité, je vais aller envoyer mon communiqué de presse. Est-ce que leur stratégie pour essayer de vous faire parler du papier ou de reprendre le sujet a un peu évolué au fil des dernières années, ou est-ce que finalement les boîtes de RP fonctionnent toujours de la même manière, et du coup, est-ce qu'elles devraient travailler différemment pour que vous ayez envie de reprendre les informations qu'ils vous envoient? Alors, il y a une vraie modification, c'est-à-dire qu'ils tiennent vraiment compte du fait qu'il y a des influenceurs, et je pense que les relations presse ou les relations publiques, comme vous disiez, avec lesquelles j'ai l'habitude d'être en contact, maintenant elles identifient bien ces deux publics distinctement, et qu'effectivement elles organisent une communication différente pour ces deux cibles-là. C'est quelque chose dont je n'étais pas consciente, et je m'en suis rendu compte un jour sur un voyage de presse que j'avais loupé et pour lequel on m'a greffé sur un voyage d'influenceur. Donc c'était très intéressant de voir justement la différence de traitement, la différence d'attente, et voilà. Après, je pense que y a les relations publiques, elles continuent quand même d'être très intéressées pour communiquer avec les journalistes, parce qu'on garde, malgré cette perte de confiance auprès du public, on garde une valeur de sérieux, de crédibilité. Oui, voilà. Donc qu'une entreprise soit citée par un journaliste ou dans un article de presse, clairement, je ne sais pas en termes d'influence si ça a des conséquences sur la consommation que ça va générer pour ces produits, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le retour qu'elle en a en termes d'ego et de satisfaction, c'est important. Voilà. Ce serait drôle de faire un vie-ma-vie entre vous, là, du coup, non ? Je viens d'avoir l'idée là, de ce que vous dites, c'est de dire, en fait, vous partez en voyage à la place de Jessica, et Jessica va faire une semaine de papier, ou vivre votre vie, voir quelle pourrait être les différences au quotidien, ça pourrait être... Mais ça m'a... Là, je reviens d'un reportage en Ouzbékistan, et j'ai fait une grande partie du voyage avec une blogueuse de Londres, et c'était très rigolo de voir, effectivement, les attentes et les réflexions... différentes qu'on pouvait avoir pendant le voyage. Après, c'est vrai, par exemple, moi j'étais en Birmanie il y a 3 ans de ça, et moi j'ai une ligne éditoriale sur mon blog qui est le positif, c'est-à-dire que je ne véhicule que des valeurs positives et je montre ce qui me plaît à moi et ce sont les choses positives. Et du coup, j'ai fait une vidéo sur la Birmanie où j'ai montré tout ce que j'aimais sur la Birmanie. Et c'est vrai qu'on m'a énormément reproché de ne pas montrer les aspects négatifs de la Birmanie. C'était beaucoup moins médiatique en 2015 que ça l'a été l'année suivante, parce que c'était juste après l'élection de Aung San Suu Kyi, donc il y avait vraiment un renouveau dans le pays et vraiment une fraîcheur et qui était vraiment très agréable à voir à ce moment-là. Un an plus tard, c'était beaucoup plus dramatique, mais on m'a énormément reproché de ne pas traiter ce type-là d'informations. Ce à quoi je réponds, je ne suis pas journaliste. Et effectivement, si j'ai été dans beaucoup de pays et j'ai choisi, c'est vraiment un choix éditorial de ne traiter que des bons côtés d'un pays. Mais effectivement, c'est un travail qui est complètement différent et je vois complètement là-dessus, sur le fait qu'on fait deux travaux complètement différents. Mais par contre, c'est intéressant, des fois, il y a des liens qui sont faits. Effectivement, moi, je fais des chroniques aussi sur France Bleu, donc, qui est une radio locale, France Bleu, Pays d'Auvergne. J'en fais des chroniques voyage, mais je suis vraiment, c'est clairement dit que je suis blogueuse voyage, je ne suis pas journaliste. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à la manière dont on peut intégrer l'influence dans la communication d'une entreprise dans cette ère où finalement c'est difficile d'aller convaincre, d'avoir de la confiance? La première question est toujours la plus difficile. Oui. Du coup, c'est pas forcément lié à l'entreprise, mais plutôt à une question plus ou moins dirigée vers toi, Jessica. Tu es allée à la fac aussi, comme tu es allée le faire au Brésil, par exemple, et que tu as visité aussi au Brésil. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui, en fait, ont genre 150 000, 200 000, des fois 1 million, 3 millions de followers sur Instagram. Et en fait, toi, avec les 20 000 de followers que tu as sur Instagram, tu as déjà des retombées, en fait, sur les comportements des gens. Comme tu le dis, puisque tu es allé à Mallorca, tu as déjà eu des retombées. Toi, si par exemple dans un an, deux ans, tu as 150 000, 1 million de followers, ben, c'est à la fois cool, mais ça peut faire aussi peur d'avoir autant de gens qui te suivent. Qu'est-ce que tu fais justement dans ce genre de cas-là, si dans un an, ça boum au niveau de cette influence-là? Ben, je suis assez d'accord avec toi, ça peut faire un petit peu peur. C'est pour ça notamment que je développe un peu moins un des réseaux sociaux qui est pourtant le plus tendance quand on fait du vlog, c'est YouTube. Parce que sur YouTube, j'ai pas ce contact direct avec la communauté et j'ai l'impression de perdre ce lien avec les gens que j'ai créé sur Instagram et sur d'autres réseaux. Et c'est vrai que sur YouTube, plus mon nombre de followers monte, plus ça me fait peur parce que c'est des gens qui arrivent on ne sait pas d'où, qui vont débarquer sur une vidéo comme ça, ils ne connaissent absolument pas, ils vont nous juger et avoir des critiques parfois sévères que je n'ai jamais sur les autres réseaux sociaux. Et j'avoue, freiner des fois un petit peu l'expansion, notamment sur certains réseaux. Donc c'est plutôt volontaire. Et c'est vrai que ce serait une des craintes que je peux avoir, ce serait de grossir un peu trop vite et perdre ce contact que j'ai avec les gens aujourd'hui. Donc je préfère rester dans cette partie-là des micro-influenceurs pour l'instant. Alors peut-être qu'effectivement, j'ai pas des salaires qui font rêver comme Enjoy Phoenix, mais aujourd'hui, moi, je trouve un certain équilibre à faire ce que j'aime, c'est-à-dire continuer à voyager, être payé pour ça, vivre en Auvergne, avoir un équilibre comme celui que j'ai aujourd'hui. Alors oui, je ne ferai jamais partie des top influenceurs, mais je dois avouer qu'aujourd'hui, ça me va plutôt bien, en fait. Deuxième question ? Oui. Alors, je pense que c'est plus une question d'outils que de... Je pense que il y a des journalistes ou des journaux qui sont en train de se penser ou de se réfléchir sur de nouveaux outils qui s'adressent à un public plus jeune. Ce que j'espère, c'est qu'ils seront créés par un public plus jeune aussi. Mais à mon avis, c'est plus une question d'outils que de... Voilà, que de se dire c'est des journalistes ou des influenceurs. Ça peut être intéressant de voir notamment Le Monde qui avait été choisi par Snapchat pour pouvoir proposer sur Discover des logiques un petit peu différentes, et tous les titres de presse n'avaient pas la possibilité de s'exprimer via Snapchat. Et Le Monde, c'est un bon exemple justement sur le... Quand vous regardez l'affinité que vous avez avec des moins de 25 ans avec le journal Le Monde, elle est quand même assez forte. Donc je suis assez d'accord avec Sonia, je crois que c'est plus une question de canal et de traitement de l'information. Est-ce que du moment qu'il y a une notion d'autorité, on ne se positionne pas directement sur une notion d'influence? Par exemple, le journal de 13h, Jean-Pierre Carnot, je vois plus comme une influence que vous. Moi aussi. Alors, encore, ça se mesure avec les trois choses dont je vous parlais. C'est-à-dire que, par défaut, sur la partie audience, alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi, parce que les audiences du 13h de TF1 ne bougent pas depuis des années. Maintenant, l'ami Jean-Pierre, il commence aussi à devenir un petit peu vieux. Le jour où il lâchera la barre, qu'est-ce qui va se passer sur l'audience du 13h? Est-ce qu'elle est liée à sa personnalité? Est-ce qu'elle est liée au créneau? Tout le monde dit que c'est quand même plutôt lié à sa personnalité. Mais là encore, on est capable d'aller mesurer précisément au-delà de l'audience quel niveau d'autorité il va aller avoir sur un sujet d'information. On voit bien que Jean-Pierre Pernaut, il a son style dans les sujets qu'il va aller traiter. Il va être beaucoup plus crédible sur certains sujets que sur d'autres. Et du coup, il n'a pas forcément tous les critères nécessaires pour pouvoir être un influenceur. Il y a certaines personnes qui peuvent l'être encore un peu plus que lui. Donc il faut vraiment aller regarder crédibilité, fréquence et audience. Si l'audience l'emporte sur le reste, mécaniquement on se dit c'est un influenceur. À partir du moment où on a une audience forte, c'est difficile de ne pas l'être, sauf à s'exprimer sur un sujet sur lequel vraiment vous n'êtes pas crédible. Si vous demandez à Jean-Pierre Pernaut de vous parler, je ne sais pas, d'intelligence artificielle, d'ailleurs le gars, non c'est bon pour me parler de la création d'un petit fromage dans un village, oui très bien, mais nouvelle technologie, c'est pas forcément son truc. Mais il a au moins l'audience. C'est ça, parce que souvent, ces sujets ont des incidences économiques. Par exemple, tu nous parlais tout à l'heure du fait que d'avoir parlé d'un hôtel, ça a permis de tant de réservations. Le fait que lui parle du terroir, c'est une sorte d'influence aussi, parce qu'il y a une incidence économique sur ces sujets-là. Et donc là, on voit qu'un journaliste, disons, parce qu'il y a une situation qui est peut devenir un influenceur aussi. Justement, ça, c'est ce que vous soulevez comme problématique, c'est la question sur laquelle nous interrogent des entreprises. C'est de se dire, est-ce que je dois travailler mes RP à fond parce que les journalistes vont avoir ce capital de crédibilité, confiance beaucoup plus important qu'un influenceur où je me dis potentiellement il peut être influencé. Mais c'est quoi l'écart entre ces deux personnes en termes de crédibilité quand on veut faire passer un message d'entreprise? Donc on nous demande d'aller mesurer ça au-delà de l'audience, parce que ça c'est un truc très publicitaire, on l'a depuis des années, l'évolution du nombre de lecteurs, leur profil, etc. C'est d'essayer de comprendre le traitement de l'information, son canal. Est-ce que par exemple le fait d'avoir une vidéo n'est pas quelque chose qui serait plus crédible, qui vous influencerait davantage que de lire un papier rédigé en texte? Moi, j'ai l'impression que oui, mais il faut qu'on puisse le mesurer. Et ce qui est d'autant plus dangereux aujourd'hui à l'ère du deepfake, c'est qu'on est capable de manipuler la vidéo pour vous montrer des choses. On disait, je l'ai vu, je le crois parce que je l'ai vu. Quelqu'un qui me relate quelque chose, c'est écrit, bon, bah, il peut avoir son point de vue. Si j'ai vu ça dans une vidéo, c'est crédible. Bon, bah, est-ce que la vidéo, finalement, avec une audience équivalente, n'aura pas un pouvoir d'influence supérieur à une même audience, mais sur du texte? Et bah, les marques nous demandent de mesurer ça. Et c'est donc ce qu'on va essayer de faire courant 2020 pour avoir des chiffres très précis là-dessus, pour aider les entreprises à prendre des décisions, de se dire, est-ce que je dois faire de plus en plus de CP et travailler mieux avec des journalistes, ou est-ce qu'au final, 3 CP égale un boulot avec un influenceur? C'est pour ça que je vous parlais d'équivalence tout à l'heure. On compare des choux et des carottes. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était possible de mesurer l'influence d'un influenceur pour une entreprise, en fonction de ce qu'il peut apporter. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, dans un cas où une entreprise fait confiance à un influenceur et que finalement, en prenant en vidéo le produit, finalement, il dégrade l'image de l'entreprise. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors ça, c'est un cas très classique, malheureusement, et qui n'est pas lié que à des logiques influenceurs en tant que telles, mais dans ce qu'on va appeler des opérations spéciales par rapport à des marques. Il y en a certains qui, pour le coup, sont assez connus. Je vais vous citer juste un nom, vous allez comprendre tout de suite. Koé. Quand vous décidez de bosser sur énergie avec Koé, parce qu'à un moment, vous vous dites, bah, plutôt que de faire une publicité pour c'est Halloween à Disneyland Paris en ce moment, venez en profiter, on va se dire, bah tiens, on va faire gagner des places par Koé, et on va faire un jeu. Vous savez jamais ce qui peut se passer. Il y a des influenceurs qui ont fait de grosses bourdes dans leur travail avec les marques. C'est pour ça que je vous posais la question de dire dans les coulisses comment ça se passe. Il est arrivé que des influenceurs fassent un copier-coller de ce que l'entreprise leur avait envoyé en disant « ce serait bien que tu dises que ». Et donc ils n'ont pas fait gaffe, ils ont publié sur leur fil la marque qui dit « salut machin, ce serait bien que tu dises ça sur notre marque machin ». C'est plus dévastateur pour lui que pour la marque en fait. Parce qu'il perd du coup toute crédibilité par rapport à sa communauté sur la manière, le fait que ce gars puisse être manipulé par des marques, qu'en fait c'est un pantin et qu'il dit ce qu'on lui dit dire. Koé quelque part, le fait qu'il délire un petit peu avec la marque, qu'il joue avec, il faut pouvoir l'assumer. Des fois, il y a des catastrophes. On a des patrons qui nous appellent en disant mais c'est pas possible, j'ai payé ce gars pour qu'il dise ça de moi, mais je veux pas. Donc, on s'arrange dans ce cas avec des médias. C'est-à-dire que les médias sont toujours conciliants. Je dis, ouais, ok, il a déconné, mais vous le saviez. Donc, ok, vous n'êtes pas content de l'opération, donc on va compenser avec un peu de publicité, machin. Avec un influenceur, si lui le fait pas bien, il se détruit lui-même son business. Ici, la branche sur laquelle il est assis, parce que c'était marqué dans ma petite slide sur les bonnes manières de choisir un influenceur sur les réseaux sociaux, c'est consigné par des agences sur le fait qu'il a pu faire des bourdes par le passé. Et donc, du coup, il a quelque part un scoring qui sera dégradé. On va dire, faites attention, il y a un risque à aller travailler avec cette personne. Et du coup, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que l'avantage d'être un journaliste, c'est souvent qu'on va être... Il y a ce côté neutralité. Le journaliste, on ne connaît pas forcément celui qui est derrière, qui aura écrit un article ou quelque chose. L'influenceur, c'est vraiment sa personnalité qu'il va mettre en avant. C'est une vraie personne qui est derrière. Et du coup, par exemple, je pense que vous avez certainement entendu l'énorme buzz négatif que subit le M Lyon aujourd'hui et depuis quelques jours suite à la diffusion du Petit Paumé à Lyon. Je ne sais pas si vous l'avez suivi un petit peu. Dites-moi pas que vous n'avez pas vu ça, c'est clair. Si, vous avez vu quand même. Le M Lyon, du coup, qui est associé à un petit guide local à Lyon qui s'appelle le Petit Paumé et qui est diffusé par les étudiants de l'EM Lyon. Et en fait, il s'avère qu'il y a plusieurs articles dans le Petit Paumé qui ont été rédigés par les étudiants qui sont à caractère raciste. Et du coup, le M Lyon aujourd'hui se prend une vague de commentaires négatifs qui est assez violente, assez puissante. C'est un vrai bad buzz qui est en train de vivre le M Lyon. Je suis contente, moi, en tant qu'influenceuse, de ne pas être associée au M Lyon aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que ça aurait pu me retomber dessus parce que moi, c'est ma tête, c'est mon visage que je mets aussi à disposition de l'ESC Clermont. Et donc, c'est vrai qu'on fait confiance. Donc, c'est pour ça que les valeurs sont hyper importantes. Les valeurs entre les deux sont importantes. C'est pour ça que ce contact humain doit être très très important et travailler depuis le début pour qu'il n'y ait pas de bourde comme ça qui soit faite. Donc c'est vrai qu'à tout moment, une marque peut être très dérangée de ce que va faire un influenceur, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Une dernière question ? Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des influenceurs qui sont devenus suffisamment puissants pour devenir des lobbyistes ? Alors, après, tout dépend ce qu'on appelle lobby. En l'occurrence, est-ce que des influenceurs sont capables, sont devenus suffisamment puissants pour pouvoir influencer des politiques ? Clairement, oui. C'est arrivé à différents niveaux et les politiques se servent eux-mêmes, du coup, aussi de ces influenceurs pour aussi aller faire passer leur propre message. Mais quand vous regardez dans l'univers de la politique, par exemple, j'ai trouvé assez intéressant, dans la collaboration médias traditionnels influenceurs, de voir remonter des jeunes comme Hugo Décrypte, par exemple, qui maintenant sont invités sur des débats politiques à des heures de grande écoute, justement par rapport à ce que disait l'une des autres personnes dans la salle sur le profil type de la personne qui regarde, se dire, un débat à 21h sur France Télévisions, sur un débat politique, comment est-ce qu'on fait pour réintéresser des jeunes à la politique ? Et ben, le fait d'inviter un influenceur qui va pouvoir, avec son ton, avec ses mots, remonter aussi ce que lui dit la communauté en live, et c'est limite un peu poil à gratter, mais c'est fait exprès, genre « non, mais t'es pas sérieux, le gars, il est capable de dire ça à un politique ». Oui, là aussi ça sert un peu tout le monde, le média parce que ça lui permet de rajeunir son audience, l'homme politique parce que le fait de travailler aussi avec ce type de population, ça démontre qu'il est un peu moderne et qu'il est à l'écoute de l'opinion publique. Donc oui, il y a quelques exemples pour moi de personnes qui, aujourd'hui, au-delà du côté métier sur les réseaux sociaux, ce serait intéressant, je sais pas, moi je suis un cas de prospective, mais de me dire que peut-être demain, il y a un média qui recrutera un influenceur qui lui fera une formation de journalisme parce que cet influenceur amènera peut-être sa communauté avec lui dans le média, que ça l'intéressera parce que justement c'est plutôt des jeunes et qui auront envie de le suivre, et peut-être que le fait qu'il s'exprime dans un journal papier rajeunira l'audience du papier, pour peu que l'influenceur en question, du coup, change un peu de métier, aille vers autre chose, mais sa valeur, c'est en fait sa communauté. Donc s'il est capable de l'emmener avec lui, qu'elle lui est fidèle, c'est ce qui explique que des Cypriens, des Norman aujourd'hui fassent des scènes. C'est devenu des comédiens, on va pouvoir voir ces gens-là dans des films, parce que, ils ont leur notoriété, donc ils sont devenus tellement puissants, pour reprendre vos termes, que à un moment on passe dans un statut différent. Peut-être que Hugo Décrypte, un jour, deviendra homme politique, et que ce sera un homme politique nouvelle génération, parce qu'il aura traité de sujets de société avec sa communauté, et qu'elle dira, lui au moins c'est un gars à qui on peut faire confiance, pas comme tous ces politiques vendus. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu dans cette logique. J'ai bien compris cet axe-là, là, finalement, la descente de politique vers le public en utilisant les possibilités des influenceurs. La question, elle est dans l'autre sens, parce qu'il y a des influenceurs qui sont spécialisés dans la conquête de communautés de début, de manière à finalement diffuser un message qui peut intervenir sur la décision publique. Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'il y en ait qui soit déjà efficace. En revanche, je suis certaine que, par exemple, dans l'agriculture, il y a un vrai mouvement de fond d'agriculteurs qui se forment, qui se mobilisent pour être sur les réseaux sociaux. Et donc, clairement, l'objectif, c'est de devenir des lobbyistes, effectivement, pour influencer les politiques publiques. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, d'individus qui ne sont ni des journalistes, ni des décideurs, ni des politiques, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui sont peut-être pas conscients, qui vont être des influenceurs, mais qui tout d'un coup se disent c'est un outil qui va me permettre de faire du lobbying. J'ai un exemple dans le domaine du voyage, une de mes consoeurs influenceuses voyage qui s'appelle Little Gypsy, elle a lancé un grand mouvement qui s'appelle We Are The Orca, le hashtag We Are The Orca, avec plusieurs autres influenceurs, donc il y a Léa Camilleri, il y a Bruno Maltor, qui sont des gens dans le domaine de YouTube, et leur cause c'était d'aller essayer de sauvegarder certaines orques dans une zone bien précise au Canada. Et en fait, en créant ce collectif d'influenceurs, ils se sont tous mobilisés, ils ont mobilisé leur communauté pour créer des pétitions qui ont été signées à plus de 800 000 personnes, pour envoyer ensuite au gouvernement canadien. Donc je sais qu'il y a quand même des mouvements qui peuvent agir dans ce sens-là. Alors c'est pas forcément envers un politicien précis, mais peut-être pour défendre des causes. Et je sais que ça a fait énormément de bruit, à la fois au Canada et en France. Et là, pour le coup, c'était un collectif de blogueurs. Est-ce que justement, enfin, l'influenceur de demain, c'est pas un collectif ou quelqu'un qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'existence propre, mais qui représente une pensée, un mouvement, une manière de faire, quelque chose d'un peu plus abstrait? Parce que quand on voit parfois, c'est des pages Facebook, c'est pas une personne vraiment, mais plus justement un collectif, un mouvement ou une cause défendue. On voit L214, ils ont une influence comme Greenpeace. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des tendances à finalement effacer la personne et plus faire passer le message? Alors là, je pense qu'on parle plus de médias sociaux dans leur origine, leur fondement, sur ce qu'ils peuvent apporter. Il y a eu des choses assez intéressantes de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais où on s'était dit à un moment finalement que le candidat à l'élection présidentielle pouvait être une personne qui n'existait pas, mais qui serait le résultat d'un travail collectif dans une vraie logique démocratique de ce que pourrait penser l'ensemble des Français, et de dire on va l'appeler Jean-Jacques, on crée pareil un influenceur qui n'existe pas, on l'incarne, parce qu'aujourd'hui ce qui fait cette logique de je suis quelqu'un, c'est pas simplement un groupe d'échange, il doit y avoir quand même une logique de leader. Mais on peut envisager un truc comme ça. Ça avec cette expérience au niveau de l'homme politique, ça s'est déjà prouvé. Mais sinon, aujourd'hui, on va parler plutôt de médias communautaires, de forums, de blogs thématiques qui vont aller remonter des idées. Donc c'est tous les collectifs qui vont utiliser les canaux sociaux pour faire remonter leur influence. Là encore, c'est lié à l'audience qu'ils vont pouvoir avoir. Oui, moi je crois que c'est une tentation et c'est un souhait de plein de mouvements politiques depuis les années 60. C'est cette espèce de dilution de l'ego ou du leader pour mettre en avant un message. Les réseaux sociaux, c'est juste un outil de plus, mais ça ne va pas créer cette réalité-là, c'est juste un outil supplémentaire au service de cette réalité. En revanche, à mon avis, ce serait l'antipode des influenceurs, justement, puisque les influenceurs, c'est capitaliser sur une personne, sur une identité, un ego. Moi, je ne porte pas de jugement, je pense que c'est aussi une bonne manière, le collectif, et justement l'absence de personnification d'identité. Mais pour le coup, ce serait les antipodes de l'influenceur. Je vous rejoins un petit peu. Pour moi aussi, on s'éloigne du blogueur-influenceur, dans le sens où, pour moi, la relation de confiance qu'on a avec un influenceur, c'est parce qu'il y a une personne derrière. C'est monsieur, madame, tout le monde qui est juste à partager son quotidien, et qui, du coup, on se sent proche de cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette relation de confiance Et parce que c'est, on se rapproche un petit peu du bouche à oreille, de cette famille qu'on a autour, des proches, parce que c'est quelqu'un qu'on voit dans son quotidien et c'est souvent qu'on a l'impression de le connaître. Et du coup, effectivement, effacer ça, bah, on retourne dans quelque chose qui est plus un média, pour moi, plus neutre en fait. Oui. Aujourd'hui, vous avez bien fait la distinction entre l'influenceur et le journaliste. Aujourd'hui, on a des journalistes, enfin, en tout cas des gens estampillés journalistes, je pense par exemple à Hugo Clément, qui, pour moi aujourd'hui, est vraiment à la limite entre le métier de journaliste et celui d'influenceur. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que le message soit un peu biaisé, puisque. Comme il est estampillé journaliste, on va lui donner une forme de crédibilité. Mais à côté de ça, je pense par exemple à l'action qu'il a fait justement parce qu'il est lui-même est vegan et que par exemple il a fait un reportage sur le sujet. Est-ce que du coup la limite aujourd'hui n'est pas déjà franchie par certains journalistes? Alors j'ai pas en tête le sujet ou le reportage dont vous parlez, mais si effectivement il a fait son sujet en partant du principe que le fait qu'il soit vegan, c'est une information dans son sujet, effectivement, il sort du cadre du journalisme. Après, les journalistes, leur travail, c'est d'être honnête. D'être objectif, ça n'existe pas, mais d'être le plus honnête possible et de travailler même contre soi. C'est-à-dire que si je suis vegan et que je veux faire un travail sur être vegan, est-ce que c'est bien ou... Il va falloir que je travaille aussi contre moi et que j'aille chercher, que j'aille questionner des gens qui pensent que c'est pas bien et qui vont pouvoir prouver que c'est pas bien. Et si je ne fais pas ce travail-là, de travailler aussi contre moi, il faut que je sois le plus exhaustive et le plus honnête possible dans mon enquête. Et si effectivement c'est pas ce qu'il fait dans son travail, bah, il sort du cadre d'un travail de journaliste pour faire un travail d'éditorialiste peut-être ou de chronique, mais voilà, il va parler de lui, il va pas être dans son rôle de journaliste. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est aussi le métier de journaliste qui est en train d'évoluer? Parce que quand on voit les influenceurs, typiquement, Hugo Décrypte, qui est divertie biologie et tout ça, aujourd'hui, ils produisent une qualité de contenu qui fait pâlir un paquet de journalistes, parce que c'est extraordinaire, c'est bien fait, c'est bien construit, c'est bien monté, et ils ont cette approche comme ces nouvelles audiences, à adresser ces personnes-là, enfin les jeunes, même les moins jeunes d'ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas repenser un petit peu ce métier, faire évoluer ce métier pour l'instance? Alors je pense que c'est un métier qui doit faire son, entre guillemets, mal culpa. On en a une bonne illustration ce week-end avec Dupont de Ligonnès, voilà. Mais en revanche, les gens dont vous me parlez, moi je ne suis pas sûre qu'ils ne soient pas journalistes, je ne suis pas sûre que certains ne travaillent pas, ne soient pas demain salariés par des médias. D'être journaliste, c'est... Alors, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux ou qu'on travaille sur YouTube ou sur Instagram. Il y a plein de médias maintenant qui sont créés par des journalistes sur des outils, de nouveaux outils. C'est juste une manière de scénariser l'information différemment. Et moi, je suis pas sûre qu'ils soient pas journalistes, effectivement, s'ils font le travail correctement, il n'y a pas de raison. Voilà. Je pense que c'est quand même une espèce de logique de starification qui dans le traitement personnel, plaît aussi au public. Combini, en l'occurrence, sur Hugo, on est dans un média qui se revendique, un média un peu poil à gratter, un peu d'influence dans le traitement, et on va exploiter, là encore, la communauté du gars en la ramenant directement. Le fait d'avoir un journaliste star quelque part, c'est assez important dans ce qu'un média va demander aussi à son public, à ses salariés, ce qui peut poser des problèmes des fois quand vous avez des Léa Salamé, des personnes comme ça qui du coup sont notamment vues à la télévision. On leur demande, quand on est dans le média, aussi de pouvoir s'exprimer sur des canaux modernes, sur des réseaux sociaux, etc., avec un ton un peu personnel dans l'approche des choses, que ça plaît. Mais c'est une logique, là encore, d'audience, parce que les groupes qui financent quand même avant tout ces journalistes, c'est quand même ce que m'ont dit pas mal de patrons de presse, il faut quand même qu'on puisse bouffer, quoi. Et ce qui nous fait bouffer aujourd'hui, c'est quand même un peu la publicité, et c'est ce qui avait fait qu'il y a eu beaucoup de tensions dans les rédactions, de libération qui avait fait sa une, nous sommes un journal et pas un réseau social et pas autre chose. Les tensions qu'on a avec plein de journalistes de chez Prisma qui partent aujourd'hui, ou comme le disait Sonia, voilà, il y a quelque chose d'un peu nouveau à inventer, mais je pense que c'est plus une question de forme que de fond. Mais ce côté starification est un truc qui est très porteur quand même dans notre société. On peut avoir des journalistes stars, et ces gens-là sont très très précieux parce qu'ils arrivent à compiler les deux. D'un autre côté, j'écoutais une conférence sur le futur de la radio, il n'y a pas un animateur radio qui disait « je peux avoir du succès et faire de l'audience » si je ne suis pas en même temps sur les réseaux sociaux et si je ne vends pas ma personnalité. Il y a presque un dédoublement de personnalité à se dire, quand je suis à l'antenne officiellement pour le journal, ben, je dois faire un boulot de journaliste qui respecte certains critères, etc. À côté de ça, on me laisse une certaine liberté sur les réseaux sociaux pour exprimer un peu plus ma personnalité. Il faut juste que je ne mélange pas trop les deux. Ce que va demander le titre, c'est que tu te débrouilles pour qu'au final, ça me fasse le plus d'audience possible, parce que c'est juste ce qui va nous faire bouffer. Parce que plus on a de lecteurs, plus on est capable de vendre notre publicité chère. Oui, je pense que c'est vraiment pour cette propos, pardon. Je pense que votre élan, c'est typiquement, pour moi, le journaliste, il a su s'adapter aux nouveaux modes de consommation d'information et aux nouvelles demandes aussi des audiences qui sont dans beaucoup plus d'interaction, de transparence. Finalement, on consomme ses contenus parce que, oui, ok, il est journaliste, donc il traite des sujets de fond qui sont intéressants, mais on le suit surtout parce qu'on sait qu'il ose prendre des positions, il ose poser des questions qui font parfois débat, que ça soit en accord avec ses convictions personnelles ou non, d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est aussi ça le privilège. C'est pour ça que je vous disais, je pense que c'est plus une question de forme que véritablement de fond, dans la mesure où on peut faire du journalisme, il y a un traitement journalistique qui aujourd'hui peut effectivement être un peu plus moderne. Et tous les titres de presse travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour se transformer, pour évoluer vers le journalisme de demain. On voit à quel point il y a des conférences sur le sujet, on y travaille. Et après, c'est peut-être dans les écoles de journalisme qu'il faut aller chercher aussi des solutions pour demain. Je ne vois pas vos visages, donc je ne vois pas quel âge vous pouvez avoir, mais j'interviens dans des écoles de journalisme et effectivement il y a plein de journalistes, de jeunes journalistes qui sortent des écoles et qui créent des médias alors qui certes n'ont pas encore qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas encore beaucoup de public et qui n'ont pas une grande notoriété, mais qui sont des médias sur des formats différents, sur les réseaux sociaux, qui scénarisent l'information autrement. Moi j'ai vu des médias en jeu vidéo, il y a des médias sur Instagram, il y a vraiment plein de façons de raconter l'information qui respectent les règles du journalisme, mais qui sont une nouvelle façon qui sont une façon de s'adresser à un public plus jeune. Voilà, on va devoir clore, je suis désolé, mais il est déjà très très tard. On va pouvoir poursuivre la conversation si vous le souhaitez en one-to-one à l'issue de cette conférence. Il faut qu'on puisse libérer tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Et à bientôt. C'était les SCAC. Les sons captés. À chaud. Chaud.